Very Good Bad Movies, émission numéro 20. C'est la 20e et merci de nous écouter pour cette 20e émission un peu spéciale avec un invité. Mais avant tout, je vous présente mon équipe habituelle avec à ma droite Estelle. Bonsoir Estelle. Bonsoir. Comment ça va? Après Walking Dead, tu nous avais raconté que tu connaissais des gens. Qu'est-ce qui se passe maintenant cette semaine? Qu'est-ce qui t'est arrivé, dis-moi? Eh ben, cette semaine, je pars en tournage pendant une semaine. Ouais, par rapport à quoi, raconte-nous un petit peu le projet. À Caen, donc c'est un kino, donc le principe c'est de tourner avec ce qu'on a, avec un temps très limité, donc 24, 48 ou 72 heures, avec le matos qu'on a sur place, les équipes qu'on a sur place, enfin rien n'est prévu, mais voilà, super challenge. Eh ben super. Avec nous aussi Vincent, comment ça va depuis la semaine dernière? Bonsoir à tous, ça va très bien, merci Jérémy. Ouais. Est-ce que tu es allé voir James Franco au cinéma? Ah oui, bien sûr. Eh ben tu nous raconteras ça tout à l'heure. Avec nous aussi Tommy, comment tu vas Tommy? Très bien, très bien. Alors les news sur le boulot, sur tous tes petits projets? Voilà, j'ai une petite figure qui est tombée début avril, deux jours. Pour un petit projet court-métrage j'imagine? Ou ouais, ça en a plusieurs ça. Mais... Ah. Des projets comme tu dis. Oh là là, excusez-moi. Non, mais... Monsieur a l'emploi du temps complet. Il plaît? Bah, il y en a plein qui arrivent, mais il y a ceux que j'écris aussi moi-même. J'ai vu que t'étais bientôt à 500 j'aime sur ta page. Pro. Ouais. Eh ben, likez la page de Tommy si jamais vous avez un peu de temps, parce qu'il le mérite et puisqu'elle est du talent. Surtout que je fais un cadeau à 500 j'aime. Oui, bon, bah ça c'est ce qui vous dit, mais bon. Ah, avec nous aussi Solal, comment ça va Solal? Eh bien ça va très bien. Ah, attention, il faudra juste allumer le micro et voilà, on l'entend. Donc ça va très bien. Ça va bien? Très très bien. Alors tu es avec nous parce que je t'ai invité via Fabulosis Film, j'arrive pas à dire leur nom. Donc si tu connais mieux le nom de, cette boîte de distribution. Je crois que c'est Fabulosis Film. Merci beaucoup. Ouais. Et donc ils nous ont contactés et puis on s'est arrangé pour que vous veniez parce qu'on a vu votre court-métrage. Et c'est très intéressant, il s'appelle L'Acolyte. On a partagé déjà sur la page Facebook. On a tous vu ce court-métrage, on va en parler tout à l'heure. Mais d'abord, présente-toi rapidement, quel âge, d'où tu viens? Monsieur est allé à Los Angeles. on est allé en Amérique, mais c'était à Atlanta l'acolyte. Me présenter, je m'appelle Solal, j'ai 21 ans, 22 même. Je suis parti de l'équipe Les Indécis. Les Indécis qui s'écrit, comme tu le disais, les uns des autres. Oui, voilà. Voilà, donc, avec S-I-X à la fin, les indécis. Mais une fois qu'on l'a visualisé, on l'a adopté pour la vie, donc c'est le petit truc. Je suis. Qu'est-ce que je fais à côté? Je travaille chez Ebim. C'est quoi Ebim? Ebim, c'est une petite boîte de prod qui fait des contenus que vous connaissez peut-être, qui s'appelle CocoVoit notamment. Un truc sur YouTube avec du covoiturage. C'est où je crois que je connais. Ouais. Voilà, il y a des petits trucs comme ça. Ils sont un petit peu en lien avec les Parasites, peut-être qu'ils sont un peu plus connus. Voilà, et donc j'étalonne là-bas, je fais du montage. Et entre-temps, je travaille avec les Indécis pour essayer de faire des courts-métrages de plus en plus intéressants, j'espère. Et bien, on va parler de ça de tout à l'heure quand on aura fini le petit box-office que je vais vous présenter rapidement de la semaine dernière. Alors, tiens, juste à m'excuser pour la semaine dernière parce que je me suis trompé, parce que j'ai pris les résultats, mais les résultats prévisionnels et donc pas les bons. Mais alors, au final, les prévisionnels étaient bons. Et bien, ils étaient bons. Ah. Donc, je suis rassuré, tu vois, j'ai pas dit des bêtises. Bien. Mais c'est la première fois que ça m'arrive, tiens. Mais bon, ça arrive. On sait que c'est une première fois et tout. Alors, est-ce que vous voulez vraiment savoir ce qui s'est passé la semaine dernière dans le box-office? Première place, je vous laisse deviner. Je dis film français, comédie. Les Juges 3? Non, La Ch'tite Famille. Ah oui, ouais, c'était l'un ou l'autre, mais j'ouvre pas ma bouche pour ce film. Avec 2 430 000. On passe avec deuxième Black Panther, après 3 semaines, 3 semaines au cinéma, déjà 2 déjà 500 000. Mmh. Et ils sont rentrés dans le milliard de bénéfices, si je ne me trompe pas, non? Déjà? Ouais. Ça ne m'étonne pas. Et c'est rare en plus, mais bon, c'est extraordinaire. Troisième... Combien ça leur a coûté? Parce qu'il faut voir par rapport à ça. Ah oui, je pense ça a coûté bonbon, mon ami. Labyrinthe, Remède Mortel. Après 4 semaines, on est à 2 411 000 spectateurs, ce qui est super bien pour cette saga. Quatrième, Les Tuches 3, 5 millions. Waouh, quand je vois ça, ça me... Wow. Ça me donne mal au cœur, moi. Ah bah oui, mais bon. 5 300 000. Cinquième, Belle et Sébastien 3, 1 301 000. Sixième, Forme de l'eau avec 593 000. Bon, bah c'est pas mal quand même. Parce que j'imagine qu'il n'y a pas non plus énormément de copies pour ce film. Bien sûr, vainqueur des Oscars. Mais oui, bon, je pense qu'il y en aura plus la semaine prochaine déjà. Cette semaine, là, déjà plus de copies, j'espère, je pense, pour eux. Hein. Grâce à leur victoire. Septième position, 50 nuances plus claires avec un cumul de 2 596 000. C'est très bon pour le troisième épisode et le dernier épisode de cette saga. Et alors, je me suis amusé aussi à dire les perdants, parce que souvent je dis les gagnants, mais les perdants. C'est vrai. Et attendez, alors, parce que là, quand j'ai vu ça, ça fait mal. Il y en a deux qui, on va dire, moi, pour moi, c'est les perdants. Hein. Spirou et Fantasio, avec 210 000. Alors, 210 000, c'est pas dégueulasse, mais par rapport au financement français et au projet, c'est pas bon du tout, c'est plutôt raté, on va dire, entre guillemets. Et alors, il y a le gros beat de la semaine, Moi, Tonia, même si c'est un grand film, hein, vous avez dit des bons titres. C'est vrai ? 71 000. C'est fou. Alors j'ai regardé et par les rapport. Ils sont. Non, mais j'ai regardé par rapport au nombre et de copies. Et en fait, il y a beaucoup de copies. Donc c'est vraiment un bide monumental. Mais bon, c'est comme ça, ça arrive. Mais Ch'ti et les Tuches sont au top, ok. Et bah, parce que les gens ont besoin de rire en fait et de se détendre. Mais tu ris beaucoup dans Moi, Tonia. Oui, mais bon. Moi, j'ai que des bons retours. Mais pour aller voir, pour aller voir les Tuches. Pour moi, faut être un peu stupide. J'espère que tu n'as pas les Tuches. Je suis allée voir les Tuches et tu viens. On a dit combien d'entrées pour les Tuches ? 5 millions 300 000. Voilà, donc tu viens d'insulter 5 millions 300 000 personnes. Eh bah, ben bravo à toi. Non, mais attends, attends. Yes. Je suis sûr que les 5 300 000 n'ont pas tous aimé le film. On a bien. Ah oui, voilà. Oui, oui. Merci à ceux qui n'ont pas aimé. Bah oui. C'est comme le César du box-office, là. Mais même pas le César du public. C'était un petit peu. Oui, c'était un peu. Voilà, quoi. Mais ils auraient pu mieux faire, quoi. Mais la proposition du César de la meilleure comédie était plutôt une bonne idée. Mais bon, c'est vrai qu'après, c'est un peu clivant. Bon, c'est un sujet où on n'aura jamais la bonne réponse, si on peut dire ça comme ça. Alors, on va en réenchaîner avec le court-métrage donc, de Solal, qui s'appelle L'Acolyte, réalisé par Solal Moisan, si je ne me trompe pas. Je dis pas. On dit ça comme ça ? C'est ça, Solal Moisan. Et Daniel Sicard. Tout à fait. Le scénario, c'est vous deux, plus Oscar Chevillard. Les acteurs, alors je dis les principaux, il y a Mathis Derboul, ouais. Marie Roche et Valentin Gutiérrez. C'est ça. Je dis bien. Ouais. Ah, voilà. Donc attention, je vais vous dire où ils sont allés. Où est allé le film ? Parce qu'ils sont pas. Voilà, j'imagine que toute l'équipe n'a pas voyagé. Alors, les gagnants des 100 heures de la course du film. On peut dire ça comme ça en français ? Racing, ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. En 2016, Atlanta. Ensuite, Fine Cut, Los Angeles. Ensuite, Traveling Shorts, Vancouver, Canada. Eh ben, les salauds, ils ont voyagé. l'Egypte. Non, mais alors ça, l'Egypte. Moi, j'y vais quand tu veux. Le Caire, en plus. Mais génial. Toulon. Ah bah là, déjà, ça fait moi rêver. Dur pour les c'est joli, c'est bien aussi, mais je plaisante, bien sûr, soleil. C'est très bien, on les aime beaucoup. Toulon tout court, après Libre Cours, c'était à Montpellier, et Cinéma Blanc, Harpille. Voilà, Blanc des Harpilles. Bon voilà, ils ont voyagé, et j'ai envie de poser, c'est déjà la première question, d'où vient cette idée de ce court-métrage ? Comment ça s'est passé ? Qui dit quoi ? Qui gère ? Qui produit ? Qui met de l'argent ? Et surtout, bah, qui écrit au départ ? Voire même expliquer c'est quoi en fait les 100... Enfin, la course aux 100 heures. La course des 100 heures. Ouais. Alors en fait, on faisait beaucoup de 48 heures, donc pour les gens qui écoutent, ce sont des... donc, c'est de faire un film en 48 heures. Mm-hmm. C'est un festival qu'il y a beaucoup en France, qui est pas mal... pas mal fait. Et en fait, on voulait tester donc les 100 heures qui se passent en Amérique, pour le coup là. Il n'y en a pas en France. Et ça nous a plutôt réussi parce qu'en fait, on avait le rythme des 48 heures en fait. Et donc en 100 heures, on a vraiment eu l'impression d'avoir du temps. Et petite donc, question, ouais. Est-ce que vous avez le droit de préparer avant ? Même si vous ne connaissez pas le sujet. Surtout pas. Surtout voilà. Pas. En fait, mais comment ils vérifient ? Comment ils vérifient ? Tout simplement parce que. Enfin, tu peux toujours essayer d'écrire un petit truc avant, mais le souci, c'est qu'ils font exprès de mettre des contraintes pour éviter justement d'écrire des trucs avant. D'accord. Donc ça peut être là, pour les 48 heures, généralement, c'est des phrases ou des objets, ou des choses comme des ça, même des personnages. Des thèmes. Situations. Et ouais, même des thèmes, tout à fait. Et là, le center, c'était même. On a trouvé plus intéressant, c'est-à-dire que au lieu de mettre des personnages, des choses comme ça, c'était des. C'était carrément des actions, c'est-à-dire par exemple, nous on a eu pour le center se serrer la main. Et donc à un moment donné, bon voilà, vous verrez dans le film, il se serre la main. Ouais. Voilà, donc le but c'était d'avoir un festival avec. Enfin, en tout cas, un challenge un peu plus long, et c'était beaucoup plus appréciable pour Mais tu avais déjà composé ton équipe de tournage et de comédiens aussi avant ? Ouais, alors... J'imagine que ça aide un petit peu, quand même. Alors, en fait, l'équipe a été créée un petit peu avant, effectivement, technique, surtout. Et on avait quelques contacts d'acteurs, et pendant l'écriture, on a très vite réagi et essayé de trouver les acteurs qui correspondaient au rôle, puisque si vous voyez le film, il y a quand même une subtilité, c'est trouver un acteur qui ressemble à un autre acteur plus vieux, voilà. Donc c'était un petit peu le challenge de cette écriture. Vous avez réussi le challenge. Ouais. Ça passe. Ouais, je ça franchement, passe ça passe. Non, vraiment, on était surpris en plus. Surtout là, quand on a pensé aux deux acteurs, on s'est dit mais c'est fou. Pourquoi ils sont pas fils père. Voilà. Et puis quand t'as annoncé que t'avais gagné 3 prix, si je me trompe pas, dans ce festival-là, c'est bien ça, ton ouais. ce film-là. Alors, comment oui, ça se passe exactement quand t'es parce que vous êtes allé aux États-Unis. Pour ouais, ce... on est allé aux États-Unis. Et comment ça se passe exactement alors? Alors, comment ça se passe? Ben, tout simplement, ben, c'est très simple. C'est comme en France. c'est un théâtre. Alors, ils appellent ça un theater, mm-hmm. un truc comme ça. Donc un cinéma. Alors, il fait très. Le cinéma où on était, il était très assez vieux mmh. Et ils étaient moins équipés qu'en France, mais c'était quand même sympa et bah voilà, c'est une remise de prix comme comme dans tous les festivals, je pense en France, avec un petit public, avec un présentateur. Ouais. J'imagine que ça fait des beaux souvenirs. Quand même. Ça fait des beaux souvenirs. Et avec toute l'équipe ou t'étais que avec ton. On était avec les on va dire la base de l'équipe, donc avec les scénaristes en fait, Oscar et Daniel. Et voilà, et donc et tu parlais aussi du scénario. Mmh. En fait, quand on a écrit le scénario, donc c'est Daniel qui est arrivé, on a eu en fait une nuit, comme on était en décalé par rapport à l'Amérique, quand on a reçu le sujet. Oui, c'est ça, parce que vous avez tourné en France. Ouais, voilà. On a tourné en France, et il était 3h du matin, je crois, quand on a reçu les... Donc moi je dormais personnellement, Oscar aussi je crois, et Daniel lui il était tellement sous tension qu'il était là genre oh non je veux pas dormir, donc il était donc il a reçu les sujets, il a un peu regardé, il a commencé à y penser, et le lendemain matin il nous a proposé une idée qui au final n'est pas forcément l'idée que vous avez vue pendant le film, mais c'est la base du truc, c'était donc cet aspect un peu magique avec comment dire, avec des éléments qui se retrouvent à la fin, une histoire racontée. Enfin voilà, il y avait quand même pas mal d'éléments qui étaient dedans déjà. Et on a un petit peu réécrit tous ensemble. Et voilà. Mais comment vous avez fait pour louer les lieux en si peu de temps en fait? Alors ça, c'est la galère. Ben, en fait, on avait la chance déjà d'être à Toulouse depuis un petit bout de temps, donc on connaissait un petit peu les Toulousains en quelque sorte. Mm-hmm. Et du coup, pendant l'écriture, on était toujours en constante dialogue avec les gens qui préparent le film. Donc je pense à toi, Pauline, si tu m'écoutes. ou alors il y avait Anne-Laure aussi. Il y avait je dis mais si Pauline n'était pas dessus, mais il y avait Anne-Laure, il y avait Alban, je crois. Enfin bref, toutes ces personnes-là. Dès qu'on avait une idée de scène, très vite ils allaient commencer à penser à un lieu. Et souvent on écrivait dans l'après-midi, donc il fallait appeler rapidement. Et si on arrivait le soir, bah, 23h, t'appelles les gens, excusez-moi, on fait un film. Voilà. Est-ce qu'on peut tourner, s'il vous plaît? Exactement. Et le temps de quelques heures, ça marche. Et c'est aussi un peu le cas pour, par exemple, les figurants, parce qu'il y a pas mal de figurants dans le film. Les spectateurs. Et, voilà, pas mal de spectateurs. Et on se dit, en senteur, comment appeler des gens, voilà. Et au final, il y a, je sais pas, je dirais même pas. On va dire 10% des gens sont des gens qu'on connaît, et le reste c'est des gens qu'on a interpellés dans la rue en leur disant on fait un film. Ah, c'est vraiment bien. On vous prend 10 minutes et on y va quoi. C'est ça. Ouais. Les gens aiment le cinéma. Exactement. Puis c'est une bonne expérience parce que t'arrives avec des gens, une petite expérience comme ça. Mm. Puis même des enfants étaient hyper contents de venir quoi. Même si des fois les enfants qui disaient mais si on y va. Les enfants, bah oui. Voilà. Mais d'où vient l'idée du magicien alors? D'où c'est venu ça? Qui est le premier à avoir eu l'idée? Alors, entre vous trois. L'histoire de la magie, c'est Daniel qui l'a amené. D'ailleurs, c'est un truc qui est revenu un peu dans les scénarios qui vont venir. C'est Daniel qui a eu l'idée de ce magicien-là, et c'était surtout, comment dire, on voulait parler de magie parce que c'est un truc qui nous fascine un petit peu. Et puis en fait, tout simplement, ce truc-là de est-ce que la magie existe, de qu'est-ce que la magie au final, voilà, ce genre de choses. Et puis aussi, il s'est un peu inspiré de The Big Fish parce que à la base, on ne le sait pas trop, mais dans la première version du scénario, on voulait essayer de mettre tous les éléments de l'histoire dans le réel. C'est-à-dire qu'on retrouvait par exemple la poupée qui était utilisée, on retrouvait par exemple, on voulait mettre au début une balle, on voulait retrouver tous les éléments en fait, de l'histoire, comme s'il avait tout inventé sur le moment. En fait, on voulait jouer sur l'ambiguïté de est-ce que cet homme raconte quelque chose de totalement irréel, ou alors est-ce qu'il est en train de raconter sa vie en fait. Et bah, voilà, à vous de vous faire votre propre idée, mais on a voulu jouer un petit peu sur cette ambiguïté, même si elle marche un peu moins bien, puisqu'on n'a on a pas réussi à faire ce qu'on voulait exactement. J'avais pas fait le lien, moi, oui. Mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, je fais le lien entre la... Oui, la... Voilà. Enfin, on va pas trop raconter, mais entre la poupée et le mot poupée. Par exemple, oui, voilà. En fait, c'est des petits éléments comme ça, et on aurait pu... on aurait pu insister un peu plus, mais le temps a fait que on n'a pas pu. Non, mais voilà. Ça fait partie aussi des deuxièmes lectures qui peuvent être intéressantes. Exactement. Quand on voit le film. Parce que si en première lecture on voit tout, c'est vrai que moi j'aime bien quand tu vois un film une deuxième fois, découvrir, te dire, oh, ça j'ai pas vu. Enfin, je trouve ça intéressant aussi de garder ce côté-là un peu. Petite question sur les effets spéciaux, parce que quand même, faire un festival comme ça, il y a 100 heures et tu dois faire des effets spéciaux où il y a une tasse qui vole. C'est vrai. Pas mal. J'y quand pensais même. En plus. Alors en fait, là je dis merci Nicolas. Nicolas Mounier qui en fait a fait des. J'ai l'impression d'être au César et remercier. Pas du tout. Non, merci voilà, Nicolas. Je le remercie. C'est clair, je le remercie vraiment. Mais il fait partie de l'équipe. Il est là en ce moment, il est en Nouvelle-Zélande, mais il nous écoute, c'est sûr. En gros, il a fait cette école de FX en Belgique. Il avait, je crois qu'il même, il était même en Belgique à ce moment-là. Et en fait, il était dans une colocation avec des gens qui travaillaient aussi dans l'école. Et donc, on lui a envoyé les rushs. On l'a appelé plein de fois pour savoir comment on fait pour la lumière, tac. Et lui, il a recomposé la balle en 3D, en fait. Et on lui a envoyé plein de photos. On essayait avec la lumière. Enfin bref, lui, il a tout refait. Il a refait les lights et tout. Et il a même refait, si vous regardez le making-of, en fait, il a refait carrément le... Il refait l'ombre sur une structure un petit peu... un petit peu ovale, et il a dû recréer cette structure pour pouvoir faire cet effet d'ombre, en fait, tu vois, de la balle. Ce il est vachement doué. Hein. C'est assez fort, ouais. C'est qu'il l'a fait à distance. Donc, oui, totalement. Ça, c'est fou, dans un temps aussi restreint, en n'étant pas sur place, en ayant juste les infos que vous donniez au téléphone et les photos, c'est vraiment fort. Hein. Ah ouais, je dis chapeau à Nicolas, du coup, là. C'est clair. Parce que pour moi, c'était une vraie balle, que vous avez trouvé un système pour la faire voler et tout. Là. Et la tasse aussi, du coup. Ouais, la tasse, ouais, du coup, je fais ah. Ok. Et petite info, c'est en gros pour les lumières qui sont par exemple sur la balle ou sur la tasse. En fait, on a dû prendre non pas une photo de l'endroit où elle devait se trouver, mais c'est-à-dire l'inverse, c'est-à-dire d'où venaient les lumières. Oui. Donc au travers de cette photo, il arrivait à recomposer les lumières pour pouvoir essayer de refaire la même lumière. Ah, c'est fou. Non, mais c'est un très beau travail en tout cas. Bravo Nicolas. Ah ouais. Bravo. Et petite question aussi par rapport à ce festival-là, c'est-à-dire que à quel moment on se dit, tiens, c'est bon, on a fini. Est-ce qu'on finit 10 heures avant? Est-ce qu'on finit 20 heures avant? Ou est-ce qu'on finit 10 minutes avant? Ça dépend des imprévus. C'est vrai que... Non, mais pour ce film-là, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, comment on fait? Ça, c'est une bonne question. En fait, je sais pas comment ça se passe. En fait, il y a un côté, tu le sais un petit peu. Tu sais que si tu le fais pas maintenant, c'est la merde. Mais non, quand même, on se donne une sorte de deadline. On se dit je sais pas, disons au minimum, une matinée pour mixer et étalonner. Parce que c'est déjà très court, déjà une matinée, mais ça suffit à peu près, et si on a plus, tant mieux. Mais voilà, on se dit, bon, si on finit pas maintenant, c'est chaud. Et on avait un peu plus de temps donc, pour le center, et on a même eu le temps, je crois, à la matinée, parce qu'on devait le rendre à midi, je crois. Et du coup, on a même eu le temps de le matin, on s'est levé très tôt, on a refait des rushs qui marchaient pas en fait, alors qu'on peut pas faire ça en 48 heures, si jamais il y en a qui font des 48 heures, ne faites pas ça, ne retournez pas, il faut se débrouiller. Donc en center, voilà, on a eu le temps vite fait de retourner un truc qui est donc la scène de fin, en fait, avec l'enfant qui... Quand on revient à la réalité, en fait, on l'a retourné, ça. Voilà. Et pour ce qui est du tournage, alors, qui choisit, quand on va tourner, comment vous organisez? Est-ce que vous dites, tiens, là, ces jours-là, on prend ça pour le tournage, les autres jours pour le montage? Comment ça se passe exactement, tout ça? Alors, pour un center, ça se décide un peu de tout le monde, c'est-à-dire que ceux qui s'occupent de trouver des lieux, les assistants réels, en quelque sorte, ils vont nous dire, la salle on l'a à ce moment-là, il faudrait la faire maintenant. Et nous, après, on se dit, il faudrait mieux qu'on tourne pour la lumière à ce moment-là. Et on essaie de s'arranger comme ça. Après, sur des courts-métrages plus longs, là, c'est un petit peu différent. C'est on va dire, le travail du premier assistant réel d'essayer d'organiser tout ça. Séquencier et tout. Voilà, essayer de travailler avec le scénario, le séquencier, en fonction des lieux et du temps de tournage. Et. De l'argent qu'il y a dessus. Et tu posais la question de l'argent tout à l'heure. Ce court-métrage-là, on le fait avec nos sous, parce que c'est tellement rapide que ça ne nous coûte pas trop cher. On a un petit peu notre matos, donc ça va. Mais sur des courts-métrages plus longs, c'est un peu plus compliqué, ouais. Effectivement. Et vous avez derrière vous, entre guillemets, un chef ou quelqu'un qui gère tout ça? Qui gère, c'est-à-dire en... Bah, est-ce que ça soit... Non, mais ce que je veux dire, c'est que est-ce qu'il y a quelqu'un qui décide et qui dit non, moi, je... comment dire, est-ce qu'il y a un chef, entre guillemets, c'est ça ma question. Je pense que c'est plus un esprit de groupe, non? Ouais, c'est plutôt... Oui, mais il faut bien quand même que quelqu'un décide quand les gens ont un doute, parce que vous avez 100 heures, donc j'imagine qu'il y a le dernier mot, ouais. En fait. Alors, on s'était dit que c'était moi qui avais le dernier mot sur les 100 heures, sur les 48 heures, les choses comme ça. Mais au final, quand on est deux réels, on a tous les deux ce rôle-là. Et si jamais il y avait un gros souci, voilà, on déciderait. Mais c'est justement ce qui fait peut-être la force de cette équipe, c'est qu'il n'y a jamais de problème comme ça. Et parce qu'on s'entend très bien entre Coréal, on a un petit peu le même... Enfin, on va dans la même direction, donc il n'y a vraiment aucun souci à ce niveau-là. Et comment justement la co-réalisation entre vous, vous étiez réparti certaines tâches? Ouais, on continue de co-réaliser avec Daniel, et en fait on réalise de façon un peu différente, c'est-à-dire que moi je vais m'occuper plus de la mise en scène avec les acteurs, la direction d'acteurs, et puis même parfois savoir comment est-ce qu'on pourrait mettre en scène, mais au niveau image carrément, la chose. Daniel a ce truc là aussi, et il fait aussi il a le côté plus technique, puisqu'il est à la base il faisait l'image sur, vous avez dû le voir dans le générique, il fait l'image dans les films, et il a ce côté plus technique peut-être, et plus lui il va pouvoir des fois il remet en cause un peu le scénario, et donc il fait une réflexion sur le scénario pendant le tournage, et c'est hyper important en fait de se dire attends, pourquoi est-ce qu'on fait ça, et donc, il a ce truc là qui est vraiment intéressant, et puis voilà, on a chacun un petit peu, voilà, lui il a le truc plus technique, il va dire ok, il faut que je fasse ça. Donc c'est lui qui est au cadre exclusivement, voilà. En fait. Pour l'instant, enfin sur les derniers tournages qu'on a fait, c'était lui qui faisait le cadre. Là, sur les prochains courts-métrages qu'on va faire, normalement il y aura carrément un chef-op qui s'occupera de ça, parce que normalement c'est le chef-op qui fait ça. Enfin, il y a un cadreur carrément, puis il y a le chef-op qui utilise la lumière, tout ça. Mais là, on aura un chef-op pour ça, et lui pourra être vraiment dans la réalisation aussi avec moi, donc ça sera plus efficace, je pense. Et est-ce qu'avant, tu avais déjà réalisé, avant ce court-métrage-là, combien Avant celui-ci, c'était uniquement des 48 heures, et un autre qui n'était pas un 48 heures, mais c'était un peu particulier. Donc c'est les 48 heures qui nous ont vraiment forgé, et donc voilà, c'était quand même, on avait quand même beaucoup d'expérience au niveau des 48 heures, si ça a aussi bien marché, c'est qu'on était vraiment rodés à ce niveau-là. Techniquement, je pense qu'il pouvait nous arriver n'importe quoi, on était parés, quoi. C'est une bonne école, lui. Et même la théorie des vaches, vous l'avez fait. Alors ça, pour le coup, c'est le premier. Ça, c'est notre tout premier. Premier film, voilà. Il est vraiment drôle. Et donc du coup, oui, voilà, ça c'est le premier où on s'est dit, ok, c'est chaud, c'est chaud, et en même temps, voilà, on a rencontré les premiers problèmes, et on s'est dit, ok, il faut faire ça. Ça nous a forgé pour les. Il y a toujours des problèmes, mais il faut savoir les surmonter. Exactement. Bah, c'est ça qui. Je pense que c'est, je tiens d'être un truc qui peut déplaire, mais c'est les problèmes qui t'amène à être meilleur après. Enfin, c'est bête, mais une très bonne expérience d'un coup, genre totale, n'est peut-être pas aussi bonne qu'un... Voilà, qu'un... Moi, je l'ai trouvé quand même bien réussi, la théorie des vaches. En plus, si tu me dis que c'est votre premier film, bravo. Quoi. Ouais, alors, bah, si tu compares quand même le Center et le premier 48 heures, ils ont deux différences, peut-être le son et l'image un petit peu plus travaillé. Donc vous l'avez fait en 48 heures, alors, la théorie des vaches aussi. Ouais, mais encore une fois, on allait un petit peu à la limite des 48 heures à la fin, parce qu'on en a fait beaucoup, et on s'est dit, bon, on a fait le tour. C'est bien de prendre le temps aussi. Voilà. Et on se dit, on a envie de faire des films avec plus de temps, plus de budget, plus de préparation. Et puis vos idées à vous aussi. Exactement. Enfin, ça reste nos idées. Le souci, c'est qu'en 48 heures, tu dis pas la même chose. Ou le temps à poser non plus. Exactement. T'es un petit peu. La contrainte est intéressante, notamment pour au forger, début. Pour forger, oui. C'est un peu des exercices, quoi, du coup. Mais encore aujourd'hui, on se contraint vite fait. Hein. Il faut toujours. Contraintes, mais voilà. Mais elles sont différentes. Elles sont plus en accord avec ce qu'on veut dire. Voilà. C'est ça un peu le. Moi, j'aurais une question au niveau du scénario, parce que vos scénarios sont super bien construits, j'ai trouvé. Enfin, okay. Ça suit, enfin, pour avoir vu plein de films faits en 48 heures, que ce soit des premiers ou ça fait d'autres équipes, ça en fait plusieurs années maintenant qu'ils font des 48 heures. Tout de suite, enfin, dans la théorie des vaches, comme dans l'acolyte, il y a vraiment un scénario, ça se suit. Donc, vous avez fait une formation de scénario tous les trois ou... Alors, non, on n'a pas de. D'ailleurs, on se demandait si on était assez bon pour ça, parce que c'est vrai qu'écrire un scénario, c'est pas simple. On s'en est rendu compte dans les premiers 48 heures, enfin, des choses comme ça, sur les premières expériences. Et on est tous de la même formation, à peu près, enfin, en tout cas, le noyau de l'équipe. On est tous du BTS audiovisuel de Toulouse. Et certains en montage, en images, voilà, d'autres options. Et au niveau du scénario, je sais pas, je pense que Daniel avait pas mal de bases. Il avait fait une man cave, une mise à niveau audiovisuelle, et il avait dû pas mal écrire à cette époque-là. Et sur le premier 48 heures, je sais que s'il avait pas été là, ça aurait été beaucoup plus difficile, parce qu'il avait quand même un point de vue bien, comment dire, je sais pas, il avait bien travaillé ce côté-là, le scénario. Et donc, je suis content que ça te plaise, ce scénario-là. S'il y a une critique un petit peu à faire sur ces scénarios-là, c'est qu'ils sont souvent un peu trop compliqués pour le peu de temps qu'il y a. Oui, mais bon. Je sais pas si tu l'as fait le voir. Non, j'avais fait un petit van. En fait, t'avais un rôle pour le prochain, c'est pas grave. Non, je présente. Non, non, aussi. Mais. Moi aussi. Non, petite question aussi par rapport à tout ce qui est festival. Est-ce que vraiment ça Il y a un avantage de faire des festivals? Est-ce que vous faites repérer? Est-ce que vous avez des propositions? Est-ce que vous avez des rencontres intéressantes? Production? Ou sinon même acteur, etc. On a déjà rencontré Woody Allen et Tarantino. Non, je rigole. Non, on a. Ça aurait été possible. Hein. Avec qui? Atlanta. En fait, on va dire que le festival, il y a le grand avantage du festival, c'est que ça fait vivre ton court métrage, parce que aujourd'hui, le court métrage, il a pas énormément de place. Enfin, il commence à en avoir un petit peu, mais il a pas énormément de poids, en fait. Tout simplement. Et donc le fait de faire des festivals, ça met ton court-métrage en avant. Il a plus de poids, et si jamais, par exemple, je vais dire une bêtise, mais tu le mets sur YouTube et t'as gagné des prix, il est un peu plus vu, parce que forcément les gens sont un peu plus attirés vers ces choses-là. Mais ça a surtout du poids, effectivement, quand tu vas voir je vous dirai ça dans quelques temps, mais si on va voir un producteur et qu'on lui dit voilà, on a fait ça, on a gagné quelques prix, forcément ça a un petit peu plus de poids, et on est plus légitime, je pense, quand tu... C'est bête, parce que les prix, c'est pas forcément une très bonne chose, parce que certains font des courts-métrages extraordinaires, ils les mettent pas en festival et ils ont pas de prix. Ils ont pas mis en festival. Donc, si vous faites des courts-métrages, mettez en festival. Et donc du coup, voilà, ça, tu peux gagner des prix, tu peux... Oui, c'est intéressant. Après, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas. Un prix, ça reste un prix. C'est bien pour ton CV, en quelque sorte, parce que ça... Oui, mais il est mis en avant, donc les gens vont plus le voir. C'est comme quand on dit elle a eu le César de la meilleure actrice, on va se dire tiens, c'est qui et qu'est-ce qu'elle a fait. Enfin, ça met en lumière, en fait. Donc c'est l'avantage des prix, je pense. Tu me contrediras pas, mais plus tu travailles, plus t'as de boulot, quoi, entre guillemets. Oui. Plus tu fais de court-métrage, et plus t'as la chance de pouvoir rentrer dans le milieu, entre guillemets. Exactement. Il faut essayer aussi de choisir ses projets, essayer de bien... C'est un peu la difficulté de ce milieu, c'est essayer de trouver des bons projets, des projets auxquels tu crois, en fait. C'est ça le plus important. Et après, ça viendra. Si tu fais ça bien... Y a pas de souci. C'est quoi ton but par rapport à ces courts-métrages, par rapport à tes idées, par rapport à tes créations? Est-ce qu'il y a un but de se faire repérer? Est-ce qu'il y a un but tout simplement de s'exprimer? C'est quoi vraiment? De gagner du fric, surtout, je pense. Non, mais qu'est-ce qui t'a amené dans ce milieu-là, entre guillemets? Ce milieu-là, en fait, c'est... Un rêve de gamin, peut-être, ou un truc comme ça? Je vais peut-être briser des rêves. C'est vrai. Je suis tombé un peu par hasard dedans, parce que je me suis beaucoup posé de questions sur ce que je voulais faire, et le BTS m'est venu parce que, enfin, le montage m'est venu parce que quand j'étais petit, je faisais des petits films, je pense on l'a tous un peu fait, mais je faisais des films avec mon voisin, enfin mon pote d'enfance, et je me suis rappelé que j'adorais ça, en fait. C'était un truc qui me faisait absolument Enfin, vraiment, j'étais à fond, quoi. Dès que et je m'en suis rappelé, un peu tard, mais je m'en suis rappelé. Et je me suis dit, bah, tente un BTS, en fait. Et au bout d'une semaine, je me suis dit, d'accord, je veux faire ça ma vie. Mmh. Et donc, le but, un petit peu, de toute cette histoire de faire des courts-métrages, tout ça, c'est d'essayer de raconter des histoires de plus en plus, peut-être profondes et de plus en plus, je sais pas, j'ai envie qu'un jour, un spectateur sorte d'une salle de cinéma, parce que forcément le film sera projeté au cinéma, ça c'est aussi un but peut-être. Et il sera un peu changé en tout cas, parce que quand là je suis ressorti par exemple de Call Me By Your Name, et j'ai, enfin je suis ressorti totalement changé, et je me suis dit c'est un film qui me marquera, et qui m'a marqué, qui me marquera longtemps. Et c'est un chef d'œuvre. C'est un chef d'œuvre. Ouais, on te rejoint avec Vincent. Ouais, voilà. Donc, c'est bon, je pense pas faire des films dans cet univers-là, mais en tout cas, j'aimerais provoquer en tout cas des choses chez le spectateur, et ne serait-ce que sur des sujets un peu particuliers. Là, par exemple, récemment, on est en train de travailler avec Daniel sur un truc, un court-métrage on est un petit peu engagé en ce moment sur l'environnement et sur notre avenir, tout simplement. Et donc on aimerait aussi faire bouger les choses un peu là, dans ce sujet-là, enfin sur ce sujet-là. Quels sont tes modèles au cinéma en tant que réalisateur ? Des questions un peu compliquées. Alors je regarde un peu tout, j'essaie en tout cas. Mais les réalisateurs, alors par exemple, je sais pas si je peux en parler en tant que réalisateur ou en tant que film. Mais j'aime beaucoup les films de Wes Anderson. Récemment, en fait, je me suis fait la réflexion que j'aimais bien les films où il y a un peu de... Bah, un peu comme dans La Cuite, il y a un côté enfantin, tu vois. Un petit truc un peu comme ça. Donc Wes Anderson, il y a un peu de ça. Et pourtant, j'aime aussi d'autres films comme... Je sais pas, je veux dire des gros films comme... je sais pas, je veux dire The Revenant, tu vois, par exemple. Voilà, c'est un gros truc. Mais j'aime bien les... T'es ouvert à tout style. Ouais, voilà, je suis un peu fermé. Ouais, exactement. Et puis j'aime bien les films un petit peu qui parlent d'humains, généralement Woody Allen, des choses comme ça. J'aime bien voilà, des inspirations un petit peu Grand Budapest Hotel par exemple de Wes Anderson, c'est reste une référence. Mais même récemment, j'imagine que vous connaissez tous Damien Chazelle avec tout ce qui est La La Land, notamment Whiplash. Ah oui, Whiplash. Ouais, t'entends pas à chaque fois, Jérémy, on sait. Ah ouais, non, mais ce film, mais pareil. Hein, incroyable. Voilà. Je suis sorti, j'étais pas bien. Hein. Non, mais c'est vrai, j'étais. Ouais. Vas-y, j'achète une batterie. Non, mais j'étais tellement bien. Je voulais y retourner comme Birdman aussi. Bon, je dis un petit film comme ça. Les deux, en plus, je les ai vus en quasiment même temps. Même journée ou dans les deux jours qui suivent. Mm. Et j'ai des chefs-d'œuvre, quoi. On a de la chance, quoi, d'avoir des films comme ça, dans notre existence à nous, de pouvoir avoir des œuvres comme ça. C'est mon avis personnel. Bah merci beaucoup pour toutes ces informations. Est-ce que tu es prêt à jouer à un jeu très intéressant qui s'appelle Les Affiches? Mais et en fait, y a pas vraiment... ça a l'air super. Non, mais en fait, je t'explique le concept. C'est plutôt basique, hein, j'ai envie de te dire. Ok. Je décris des affiches, faut trouver le film. Ah, okay. Ça va ou pas? Il y a 10 points. Bien sûr, celui qui a le plus de points, bah, il a. Normalement, il a des cadeaux. Mais dans les fesses, sur la fesse droite. Je crois que je suis assez nul en affiches, mais. Ah oui, non, mais si c'est récent, peut-être qu'il y a moyen. Non, mais ça va, t'inquiète pas, tu vas. J'essaye de rapprocher ce micro pour pas que ma voisine triche. On joue tout. Je vois pas. T'as vu ou t'as pas vu? Je suis pas une tricheuse. C'est sûr qu'il trouve l'affiche qui dit c'est quoi. Ah oui, non, mais c'est vrai qu'il connaît pas encore Vincent. Bah ouais, j'ai jamais fait de jeu. Tu vas voir, c'est super simple. Bienvenue Vincent dans. On commence par la première affiche. Alors, c'est des films bien connus, hein, parce qu'une fois j'ai essayé de mettre des films un peu d'auteur, et puis là c'était un bordel absolu. La fois, il y en a pas un qui a trouvé. Non, mais est-ce que vous vous rappelez de ça? Une fois j'ai mis un film, ils m'ont dit non, je connais pas. Alors que le truc est super connu, mais bon, c'est pas très grave. Je leur pardonne. On va être au non, mais là c'est populaire, culte et tout ça. Affiche en blanc. Un homme. Black. Non. Un homme, une femme. Okay. Mr. et Mrs. Smith. Je crois. Est-ce qu'il est sorti récemment ou pas? Non, pas du tout. Non, c'est mort. Ah oui, donc c'est même pas sur les films là. Ah oui, non, mais là on mélange tout. H2. Ok. Un jour. C'est... Ah non, non, c'est pas ça. Non, mais pourquoi pas? De nuit, trois semaines. Un homme, une femme. Un homme, une femme sur un fond blanc, c'est ça que t'as dit? Un jour. Oui. Ça me dit rien. Ben, c'est qui? Affiche blanche. Un jour avec quelqu'un l'a vu? Non. Merci, vous me rassurez. Peut-être un jour, mais. Mais Mr. Mrs. Smith, c'est un mec et une meuf, ils sont en fond blanc. Oui, je sais. Non, mais il y a un homme et une femme. Ah oui, ben, un homme et une femme. Non, mais non. C'est bien joué. deux acteurs méga connus, américains. C'est un film culte qu'on se tape trois fois par an à 22h55. Et il y a une scène culte dans ce film. Je sais, c'est Pretty Woman. Non, pas du tout. Mais... Ça aurait pu, c'est vrai. Non, c'est pas ça du tout. Mais ça parle de sexe. Ça parle de tension sexuelle. Et ça parle aussi sur un polar, je crois aussi. Je l'ai pas vu personnellement. C'est pas le journal de Bridget Jones. Non. Et ça parle de quoi en dernier, t'as dit? Polar, c'est un polar. Il y a un thriller. Ouais. Alors là. Attends. Mais c'est pas irréversible, la fiche est rouge. Non, c'est pas ça du tout. Non, mais quand je dis sexe sexuel, c'est américain, donc on voit rien. Oui. Mais on voit rien. C'est une scène, disons qu'on a vu. Sex crimes, non, c'est pas ça. Nous avons vu plus que American ce qu'on devait voir, non. Si vous voyez ce que je veux dire. American Pie. Bah, c'est blanc la fiche aussi, mais ils sont plus que deux. Non. Si je vous dis. Orelsan. Simple, vous me dites. De quoi? Tu me dis. Basique. Si je vous dis Orelsan, simple. Basique. Voilà, bah là normalement vous basique pouvez. Basique. Oui. Oh, bravo à Vincent. Une seconde près. Bravo à Vincent. Deuxième affiche. Affiche plutôt couleur noire, mais avec un morceau d'un visage en haut, avec un regard très profond. Film français, ultra connu. On nous en parle tous les ans. Et à chaque fois, il y a un acteur très célèbre maintenant dans le monde entier. Et à chaque fois qu'il est interviewé, on dit, mais il est quand c'est artiste. Il arrive quand le 2? Non. Et non. Ah, The Artist. Tu l'as vu, ça? C'est pas ça? Non. Ok. Il arrive quand le 2? Ouais, et le film est en noir et blanc. Et c'est le premier film d'un réalisateur quand même qui a du talent. Français. Juste le morceau de visage, c'est ça? Au haut de l'affiche. C'est pas Angela? Non. En noir et blanc? En noir et blanc, c'était bien The Artist, beaucoup. Ça parle de la banlieue. Là, vous avez tout. Non. Oui, deux points pour Vincent. Ah, en plus, bien joué. Mais c'est qu'il est bon. Putain, il y a... Troisième affiche. Un couple, noir et blanc. Loving. Non. The Artist. Oui, mais bah oui. Oh, non. Allez, facile. Ah, putain. Un point pour cela. Ah non, mais je cherchais un couple avec un Renoir et une blanche. C'est pour ça que j'ai dit bloqué. Loving. Attendez, j'adore cette affiche. Attention, c'est parti. Un homme, un chien, des petits bonhommes. Ah oui. Les Sandalmas. Non. C'est un film d'animation? Non. Ah merde. Un homme, un chien et des petits bonhommes. Des petits bonhommes. Ben parce que sinon, si je vous dis ce que c'est trop facile. Tintin. Je sais pas si. Non. Les Lemmings. Années 80. Moi, je me demande si c'est pas avant ma naissance. Mais c'est culte, hein. Ça, c'est ma génération. Même génération, même époque. Il y a Gremlins et il y a l'autre. Un homme, un chien, des petits bonhommes. Oui, un scientifique. Il dit, tiens, j'ai ma famille, je vais faire un petit test. J'ai raté l'avion. Non, sérieux, j'ai raté les gosses. Oh, mais voilà. Des petits bonhommes. Bien joué. Non, bah, je retiendrai ça. Ok. Attends. Non, je l'avais, mais je trouvais pas le nom. J'étais là, putain, elle va le dire. C'est bon. Prochaine affiche. Très, très simple. Film de notre enfance. Jumanji. Non, bah, attends. C'est pas ça. Le Roi Lion. Le mec est né, il y a... Quatre fantômes. Gaspard avec Ghostbuster. Et SOS Fantôme, si tu veux. Non, avant. Gaspard. Oui. Ah, j'ai dit aussi Gaspard. Mais dit avant. Tommy. Gaspard, ouais. J'ai dit Gaspard, mais t'as dit 4 pour Solal et 2 points pour Vincent. Oui. 0 point pour Insta. Ah, bah, vous marquez un peu. T'es pas obligé de le dire. Alors, celui-là, attention, c'est de la rapidité. De l'eau. La forme le vent bleu. Non. Chez Pofwater. La forme de l'eau. Non. Sauver Willy. Ah, merde. Oui. Non. J'attendais plus de choses, moi. J'aime bien ce film. J'adore. Quand je vais à Marine Land, je fais le tour comme ça du bassin et je fais ça alors que... Excuse-moi, on n'est pas à Vie ma vie, là. Je t'aime bien, mais je m'en fous. Mais moi, je m'en fous pas. Est-ce que je peux te le dire? Je te dis la vérité. La séquence émotion. Léa arrive, elle s'installe bientôt autour de la table. On joue aux 10 affiches. Alors si ça t'intéresse, t'as 4 points pour gagner, là, si tu veux. Hein. Il reste 4 points encore, je crois, un truc comme ça. Vite. Prends ton temps pour te déshabiller, ouais. Je t'en prie. Censuré. Vas-y, casting. Enlever la veste. Voilà. Non, mais en plus, il y a 4 gars autour de nous tout de suite. C'est pas en quelque part. Excuse-nous. En plus, quand on voit la personne, voilà. Voilà. Il l'a lâché. Alors. Film, alors c'est mon enfance aussi. Mais alors là, je dis, j'avais quoi, 12 ans, je pense, 10 ans, 12 ans. Ok. T'as film, mais. J'ai 22 ans. Film méga connu. S'allumer. Oui, s'allumer, oui. Oui, t'inquiète pas, on bonjour t'entend. Léa. Film méga connu, ok. Oui. Si je vous parle de Noël, de la neige et d'un train. Le Pôle Express. Oui, madame. Yes, c'est mon premier point. Vous pouvez attention me dire, au suivant. Plaît. Non. Si je vous dis. Si je vous dis trésor. Le pas de trésor. Les Goonies. Non. Ah, ça va plus. Si je vous dis. Ni le trésor. Non. Pirates des Caraïbes. Non. Non. Quoi? Indiana Jones. Non. Si je vous dis secret. Si je vous dis affiche avec des signes un petit peu. avec des groupes et tout, avec des secrets de l'histoire ancienne, etc. Bazar Maguette. Oui. Oh, quoi, Bazar Maguette? J'ai pris celui-là. Bazar Maguette. Je connais. Putain, je l'ai même pas vu. Je connais pas. Non, c'est vrai. Avec Nicolas Cage, il y en a deux épisodes où t'as Nicolas Cage qui va dévoiler des secrets. Voilà, là c'était le secret des Templiers, mais bon, j'accepte, même s'il a pas tout le titre, c'est pas très grave. C'était pas ça. Il y a deux épisodes, il y en a pas non plus 500 000. D'ailleurs, le 3 devait sortir en 2016. Ouais, non. C'est un peu mort du coup. Non, je crois ils ont lancé le projet pour longtemps, je crois. Pas sûr, oui, mais j'avais vu des news. Ouais, c'est vrai que c'est un débat Nicolas Cage aussi. Là, est-ce qu'il est toujours vivant ou pas? Pour savoir. Oui, encore vivant. Oui. Il fait un peu de la merde. Non, parce qu'en plus, j'ai lu un article récemment sur sa carrière, entre guillemets, et c'est vrai que ça part en couille, hein, autant que je dise. C'est tellement vulgaire, parce que je disais à Solal, il n'y a pas de vulgarité ici, mais bon, là je suis obligé. Ça part en cacahuète quand même. Mais aussi, où il fait un film de ouf, ou il fait un flop de ouf. Ah, mais là, en ce moment, c'est flop. Hein. Il lance des ricochets, là, ça fait. C'est dommage, parce que. Je peux pas dire du mal de. Un de mes préférés, c'était The Rock. Non, mais en plus, j'adore, c'est un super acteur. Lord of War, regardez. Hein. Oui, bah, The Rock aussi. C'est un de mes classiques aussi, The Rock. Voilà, on passe. Non, je plaisante. Non, c'est vrai, film culte des années 2000, Michael Bay. Non, mais c'est vrai. Et Sean Connery aussi. Ah. Attention, suivant. Deux acteurs. Donc sur l'affiche, hein. Deux têtes d'acteurs. 3, 1, 2, c'est ça ? 4. T'as 4 ? Oui. 4. Je compte 1, les points. 3. Mais je vous savais. Et Big Brother. Compte les points et tout. Moi, je me rappelle même plus. Je sais plus qui est en tête. Deux hommes. Deux têtes d'hommes. Revenons à nous. Ok, deux têtes d'hommes. Juste des têtes. Avec une affiche un peu en noir et blanc. Dump et Dumper. Non, pas du tout. C'est pas Big Brother, tout. Non plus. Fiche en noir et blanc. Mais le film est pas en noir et blanc. Non, mais le film est en couleur. Men in Black. Non, c'est un film, je pense, des années 80, début 90. Deux mecs. Oui. Non, merde. Vas-y. Deux têtes, juste deux têtes. Deux acteurs les plus connus des États-Unis. Mais pas un. Ils ont maintenant cinquantaine, soixantaine. Ils arrivent à 50, 60 ans. Mais là, à l'époque, ils avaient la trentaine. Hein. Les Infiltrés. Transporting. Non. C'est pas le parrain. Ça parle d'un sujet très important. Et en plus, ce sujet a gagné lors des Césars de cette année. Le sujet principal, entre guillemets. Réfléchissez. Attends, redis l'affiche, c'est deux têtes. Il y a deux têtes d'hommes. Il n'y a pas grand chose à dire, à part que le titre du film, c'est le nom d'une ville. Bah bon. Philadelphia. Oui, monsieur. Oh, bah, tu vois. Ah, mais le mec est à fond, quoi. Bah oui, mais sinon, je donnais la réponse. Tom Hanks et Denzel Washington et Antonio Banderas aussi. Antonio Banderas, ah oui. Eh oui. On continue avec la dernière affiche. On se fait attention, ramasser. Dernière chance. Mais c'est film de mon enfance encore. Il a déjà 5 ans. J'adore, c'est un film très très célèbre. Si je vous dis. Tu viens de raconter ta vie. Gâteau. Merci. Si je vous dis gâteau. Joyeux anniversaire. Si je vous dis chocolat. Goonies, chocolat, non. Chocolat. Ah, Charlie Chocolaterie. Ouais, voilà. Pour Léa. Bon, tout le monde a gagné parce que moi j'ai pas compté. C'est Vincent. Vincent, bravo. Bravo à Vincent. Tu as gagné. Il a la moitié de gagné le droit de rejouer pour la semaine prochaine. Voilà. Mais quelle chance. Merci beaucoup. Mais je t'en prie. Il nous reste un petit quart d'heure. Moi je vous propose de passer tout de suite à The Disaster Artist de James Franco. Qui veut nous faire un résumé? Je sens que Tommy veut le faire. Pas du tout. Il va encore nous faire une théorie. Non, il n'y a pas de Disney là. Non, tu veux nous faire un petit résumé pour nous. Alors, tu n'es pas obligé d'expliquer l'histoire, hein, mais tu peux expliquer d'où vient le film, en fait. Alors, le film parle du réalisateur, scénariste, acteur, producteur d'un des plus gros nanars qui a été produit. Mmh. Produit par lui-même, d'ailleurs. Ouais, oui. 6 millions, s'il vous plaît. 6 millions, voilà. Et du coup, on voit comment il a fait le film, en fait. Et comment il a été jusqu'au bout, alors que ça se voyait un peu que c'était la merde. Désolé, pas de vulgarité. Et du coup, on voit le mec, il était perché. Il est toujours, hein. Il est toujours perché. Et d'ailleurs, j'ai vu The Room juste, parce que il s'appelait The Room, le film de 2003, que Tommy Wiseau, oui, il s'appelle comme moi, que Tommy Wiseau a fait. J'espère que je joue pas comme lui, parce que. Non, je te rassure, ça va. Et du coup, ouais, j'ai regardé The Room juste avant d'aller voir le film, et du coup, c'est vrai que ça donne beaucoup plus de sens à The Disaster Artist quand tu regardes The Room avant. Mais c'est vrai que devant le film, j'étais. Mais pourquoi il a. Ah, d'accord, non, il y a. Qui était intéressé par ce film avant d'aller le voir? Dites-moi. Moi. Pour quelle raison? Moi, je l'ai été parce qu'en fait. J'aime Franco. Pas du tout. C'est moi, parce que c'était pas Franco. Moi, c'était. Pas du tout. Non, mais je suis super sérieuse parce que je suis allée voir The Room aussi, oui. Au Grand Rex. Mmh. Et c'est une projection très particulière parce que le but était que le public soit actif. Dans le sens où, au début, on arrivait, on nous avait distribué des cuillères en plastique. Dès qu'on voyait une cuillère qui passaient à l'écran ont jeté les cuillères. Il y a une porte, à chaque fois qu'on voit une porte, on fait « Mets la porte, mais ferme la porte !» Et puis, on répétait les meilleures répliques. C'est tradition. C'était impressionnant, c'était la première fois que j'allais au Grand Rex. C'est tellement culte aux États-Unis que c'est devenu une tradition, en fait. Oui, c'est ça. C'est ça, le truc. Ouais. Et du coup, quand je suis allée voir The Disaster Artist cet après-midi, on sentait qu'il y en avait qui étaient allés à ce genre de projection. Ils ont jeté des cuillères. Mais non, mais parce que je pouvais pas m'empêcher des fois de répéter des répliques ou d'être vraiment active. Du coup, t'étais la seule à le faire ou t'avais d'autres amis? Non, on était 4-5. On s'est fait sortir avant la fin de la séance. On était 4-5. Est-ce qu'on est d'accord, la meilleure réplique? Oh, hi, Marc. Oui. Oh, la meilleure réplique. Et bah, c'est en dino sur le film. Hôtel Lisa. C'est vraiment... Oui, Vincent. Ah oui, non, mais vraiment, il faut aller voir ce film si vous avez envie de rire. Bah moi, pour le coup, je connaissais pas The Room, mais ça m'a vraiment donné envie de voir parce que je me dis que si j'ai autant ri devant un Disaster Artist, alors que ça reprend que quelques scènes finalement du film, parce que bien sûr, ça s'est focalisé sur l'histoire de la réalisation de ce film, et depuis le début de la carrière des personnages. Donc ouais, on voit très peu d'extraits de The Room, et du coup ça m'a vraiment donné envie de le voir en entier parce que c'est très drôle. Il faut un peu s'imaginer comme un long métrage en mode Les Feux de l'Amour. C'est un peu ça les ramasser les clichés. Ouais. Il faut vraiment voir The Room avec une vision très humoristique derrière. Hein. C'est vraiment rire et au premier degré. Faut t'autoriser à rire parce que on a du mal à s'autoriser à rire de certaines choses. Alors que là, non, faut pas le prendre au sérieux, ce film, c'est sûr. Moi, je l'ai regardé. En fait, on a un nouveau concept avec un pote à moi. On se fait en général le samedi soir, on se fait soirée nanar raclette. Genre Sharknado et des trucs comme ça. Nanar raclette. Des trucs du genre, ouais. La dernière fois qu'on a regardé, on a regardé The Zombie Beginner. Beginning. C'est pas du chaleur. Un petit samedi. C'est pas un nanar, ça. C'est un film de. Merde. T'as la petite famille aussi. C'est aussi un film de. C'est pas un nanar. Un nanar, c'est quand les mecs ils y croient à fond, mais qu'en fait ils font de la merde. Oh non, je crois pas, parce que même Sharknado 6, c'est pas vraiment un nanar. Ils font exprès. Ils font exprès. C'est pas vraiment un nanar. Même t'avais Tomate Tueuse ou je sais plus quoi. Oh, mais c'est pas vraiment des nanars. Tu dis pas que t'es sérieux dans ton scénario, le mec il est en train d'écrire, putain, je suis en transcendance. Wouh. Mais là, The Room, il y croyait à fond, mec. Ça, c'est un nanar. Oui, c'est vrai. Il était à fond dedans. Est-ce que le sujet du film il va pas au-delà? Est-ce que c'est pas le rêve Hollywoodien? Mais il était vraiment à fond quand on l'a fait. Ah, il était à fond, mais vraiment. Et pour l'avoir vu, parce que du coup, il est venu au Grand Rex et c'est vraiment personnage quoi. Il y croit et il se démonte pas en fait, hein. C'est vraiment il est dans son monde, c'est son univers et puis pour ça respect quand même. Oui, mais du coup il a un côté touchant. Il a marché pour un honneur, enfin tout le monde le connaît. Oui, parce que tout le monde l'a pris au second degré en fait, et je pense aussi que le fait qu'il est oui, et je pense aussi que le fait que le réalisateur soit producteur et qu'il ait en fait des ressources inépuisables. On sait pas d'où elle vient. Le mec il est hyper riche en fait, juste son banquier il dit c'est un puissant fond. C'est dans le film, ça. Ouais. Donc, je pense que ça aide à être apprécié des gens aussi. Ouais, bah oui, c'est sûr. Oui, puis dans le au moins à le diffuser. Après, d'un côté. Au moins à le diffuser. Parce que tu payes des salles, et ben les salles elles sont payées. Donc après. Il a tout payé. Voilà. Oui. Après, d'un côté, il a pas eu l'effet escompté. Enfin, lui, il voulait pas que les gens rigolent en regardant son film à la base. Non, parce qu'il a un gros problème avec ça. Déjà, en plus, à la il base, aime pas, ouais. De honte et ce regard sur lui et le jugement des autres. Et en fait, je vais pas tout raconter, mais c'est vrai qu'à la. Ouais, à la fin, on sent vraiment qu'il y a une évolution de sa vision de son propre cinéma et comment il se prend au sérieux. Et enfin, ça, j'ai trouvé ça très bien. Hein. J'espère qu'il a accepté depuis, parce que. Bah, j'espère, parce que sinon, il est mal barré, parce que tout le quelle monde. Quelle année Zombie faire comme dans la scène 2003. 2003. Ouais. Okay. Ouais, hausse, ça. Okay. Petite question intéressante, parce que pour moi, quand j'ai vu le film, j'avoue, je n'ai pas non plus été épaté par le film, par bien sûr du film de James Franco, mais il y avait quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. En fait, c'était le second rôle d'Ave Franco. Par le personnage de cet acteur qui lui est à fond, mais alors lui il veut vraiment réussir dans dans ce milieu là et il est tellement fidèle à cet homme là qu'il va même rater un rôle peut-être important dans sa vie et je trouvais personnellement que le rôle le plus important dans ce film c'était lui, c'était cet acteur là qui était fidèle, qui était plein d'amour en fait pour cet homme aussi, Mark is my best friend. Il y a une espèce d'ambiguïté. Une petite parenthèse au film, un petit clin d'œil. Mais oui, parce qu'elle a pris toutes les répliques à la fois. C'est son meilleur ami. Mais ça va, pour moi, ça va même peut-être au-delà. Parce qu'il y a ça, on sent le médicament de ta copine. Comment ça se passe exactement? On sent le Non, mais oui, tu as raison, c'est, ça dépasse vraiment la simple collaboration professionnelle ou même l'amitié. On sent la jalousie, ouais. Oui. On veut pas, il faut pas trop dévoiler le film, mais il y a quelque chose d'un peu pathologique, j'ai l'impression, chez, chez le personnage principal. Non, mais il y a une loyauté. Et je pense que l'un et l'autre vivent à travers l'autre. À travers les succès et les déboires. Oui, mais en même temps, j'ai l'impression que ce film... Moi, on va pas parler de The Room, on va parler du film de Suzanne Franco. Quel est l'intérêt, vraiment, personnellement, quel est l'intérêt de ce film, en fait? Est-ce que c'est l'intérêt de parler du rêve hollywoodien qui est un peu fake? Est-ce que c'est pour parler de comment on peut dire ça? De comment réaliser un film, comment vraiment être un artiste? En fait, ça parle de plusieurs sujets, mais quel est le but, en fait, en refaisant un petit peu le chemin de ce qu'il ne faut pas faire, surtout déjà. Tu penses? Il y a un petit peu beaucoup dedans, ouais. Ou est-ce que c'est juste pour être original aussi? Parce que j'ai l'impression que c'est juste pour être original. On s'est dit, putain, il y a un scénario de dingue. On n'a jamais vu ça. C'est un petit peu ça. On va raconter l'histoire d'un tournage qui est tellement mauvais. Ça, c'est l'entier, de toute façon. À la base, c'est un livre, en fait, qui a été écrit par, Greg Sestero et Tommy Wiseau, donc réalisateur et producteur de The Room, qui vient d'être traduit en français. Donc, The Disaster Artist, c'est une adaptation du livre. Mmh. Ok, ça je savais pas. James Franco a pas inventé. Mmh. Et en fait, c'est venu du fait que Tommy Wiseau a approché James Franco et lui a dit qu'il ferait un. Enfin, alors qu'il était en train de penser à l'adaptation du film, il a dit à James Franco : tu feras un bon Tommy Wiseau. Je sais pas si c'est un film. Il l'a fait, donc il irait bien dans le faire. Et, ça lui va très bien. Je trouve qu'il ressemble très bien. C'est une super adaptation et c'est. Il travaille au millimètre certaines scènes de The Room. Je pensais qu'il en a fait un peu trop quand même. Non, mais c'est mon avis personnel. Surtout quand on voit les scènes de. On peut raconter qu'à la fin, on fait le comparatif entre son film et le film The Room. J'ai trouvé que, franchement, c'était un peu trop, quoi. Je trouvais. Parce que en fait, c'est fait. Déjà, je me dis que l'accent, il est surjoué. En fait, on dit qu'il vient d'un pays de l'Est, mais en fait, quand t'entends la vraie voix du gars, ça s'entend pas vraiment. Bah, je sais pas, personnellement, je trouvais que c'était trop, quoi. Mais regarde, dans Moitonia, ils ont fait pareil. Personnellement, hein. Oui, c'est vrai. Ils ont pris les archives et. Ils ont copié. Oui. Oui, bah vas-y. Mais non, je finis ma phrase. Non, vas-y. T'as fini sa phrase et t'enchaînes. Non, mais du coup, ils ont fait au millimètre près, exactement comme dans les archives. Donc oui, non, mais moi, je parle du personnage de Zem Franco. Vraiment, le personnage principal, Tommy Wiseau, je trouve que par rapport à l'original, entre guillemets, je trouvais que c'était un peu fake. Moi, pour moi, c'est mon avis personnel, ça. Bien sûr. Vas-y, Tommy. Oui, vas-y. Non, je veux dire, c'est parce que il essaye de refaire ce que Tommy Wiseau faisait. Alors que Tommy Wiseau, il jouait vraiment comme ça, il était sincère. Et puis il est unique, c'était pas très bien ce qu'il faisait, mais il était à fond, il était sincère. Alors que là, James Franco, il essayait de refaire ce que Tommy Wiseau faisait. Puis son accent, on sait pas d'où il vient, de toute façon, Tommy Wiseau. Mais du coup, vous avez trouvé The Room mieux que The Disaster Artist? Ah, ça n'a rien à voir. C'est pas le même but, en fait. Ouais. C'est comme un making-of, en fait, un petit peu. Ouais, je pense que c'est ça. C'est un faux making-of. C'est étrange. Un bon faux making-of. Ouais. Je comprends ce que tu veux dire. Un truc très intéressant avec James Franco, et ça je l'ai remarqué, c'est que dans sa carrière à lui aussi, il y a des trucs un petit peu chelous, entre guillemets. Il fait aussi des films un peu too much, entre guillemets. Moi, il y a un truc qui m'a beaucoup surpris, c'est que j'ai vu un film avec lui aussi dans la même année ou un an avant. Il y a énormément de clins d'œil par rapport à ce film-là. Donc je ne sais pas si Why Him, une comédie un peu lourde, non, avec Brian Cranston. Ah si, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'était très lourd en plus. Il est un peu ouf. Ouais. Il y a plein de clins d'œil par rapport à ce film. Je dis non, mais attends, il a fait ça un an avant. En plus, c'est pas l'auteur, c'est pas peut-être le. Peut-être que ça a inspiré The Room. Je crois qu'il était en écriture. Et c'est peut-être ça, je pense. Ou sinon, consciemment ou pas, d'ailleurs. Inspiré par. C'est peut-être pour ça qu'il a vu Tommy Wiseau. Ouais, c'est Tommy Wiseau lui a dit tirer bien le rôle. Mais je me demande s'il n'y a pas plein de liens avec aussi sa carrière à lui. En fait, c'est très drôle parce qu'il avait joué James Dean, James Franco. Oui, et que. Il avait reçu un prix pour ça, et on le voit, il y a James Dean aussi dans le. Mais c'est ça, et puis en plus, il y a Maman, j'ai raté l'avion, ses films préférés du jeune des Franco. Et il y a Maman, j'ai raté l'avion, il y a deux secondes du film dans le film dont je vous ai cité, Why Him. Et pareil, il y a aussi le check, tu sais, le petit doigt là, de faire une promesse. Et il y a la même chose dans le film avec Dan Franco. Donc il y a plein de trucs, je sais pas. Est-ce que c'est inspiré, est-ce que c'est copié, est-ce que c'est un concept, je ne sais pas. Je pense que c'est inspiré, c'est très étrange. C'est fait exprès, je pense. Et en même temps aussi. Ou consciemment ou pas. Ou inconsciemment peut-être, oui. Des fois, on se rend pas compte. Enfin, moi, là, comme je disais la dernière fois, je suis en train. Mais non, mais c'est pour expliquer que. J'ai écrit Harry Potter. Voilà. C'est-à-dire que. Moi, je pensais qu'entre filles, on était copines-copines. Mais... on se tirait par les cheveux, attention. Qui aime bien, je dis bien. Voilà. Non, mais j'écris aussi un bouquin. Et il y a 2 ans que j'y avais pas touché. Et je me suis rendu compte que l'école que je décris, c'est Poudlard. Et là, je me suis dit. Ça, ouais. Est-ce que tu avais mais pas déjà raconté cette histoire? Mais c'est pour expliquer, arrêtez, parce que les gens qui nous écoutent sur YouTube ou sur Apple, ils sont en train de dire, mais attends, je me suis tapé l'émission d'avant, il y a la même anecdote. Est-ce que je me suis pas trompé de vidéo? Et après, c'est moi qui suis horrible, bien sûr. Mais non, mais bon, elle me tend le bâton, donc voilà, c'est comme ça. Elle veut juste raconter une histoire. Garde ton bâton. Non, juste un truc aussi très intéressant. Non, mais j'enchaîne vraiment avec un truc. Il y a un lien. Un film avec James Franco et Seth Rogen, la bande de potes de James Franco. Enfin, du monde là. Exactement. J'ai pensé à ce film aussi. Je me suis dit, mais attends, dans ce film là, il se fout de sa gueule à lui-même. Donc il y a ce lien aussi avec ce vrai faux. Un mec riche en plus. Oui. Et un mec fumé à côté, pas net. Parce que dans son personnage, il est pas net. Alors, c'est pas si lui-même est pas net parce qu'il voilà, il fume un petit peu. Ou tu vois ce que je veux dire au parc. Ça se trouve, il est fan de The Room, on sait pas. Mais c'est ça. Je me demande si il est déjà fan avant. Pourquoi ça se trouve, il l'a rencontré pour ça. Et vu que j'ai du film, il y en a forcément qui ont aimé. Je pense que James Franco l'a rencontré Tommy Wiseau parce qu'il est fan. Hein. Mais oui, mais c'est. C'est incroyable. Mais il y a forcément des fans, comme le film, il est comme un succès. Oui, c'est un phénomène, le film. Ouais. On est d'accord. On a fini avec. Pour conclure un petit peu sur ce film, Je veux juste dire. Oui, dis-moi. On lui a pas demandé, ça se trouve, il l'a vu. Oui, est-ce que tu veux peut-être dire un truc dessus. Voilà, si je réagis pas, c'est parce que je l'ai pas vu, je veux pas influencer. Il n'y a pas de souci. Est-ce que ça t'a donné envie de le voir? Ouais, non, en fait, faudrait que je voie The Room d'abord. Oui. Parce que mon coloc l'a vu et il m'a dit, mais. Enfin, il allait à la projection au Grand Rex avec. Il y a même une bouée, je crois, qui a envoyé. Enfin, il y avait tout un truc. C'est Estelle qui l'a envoyé, t'inquiète. Elle était dans la bouée, c'est pas vrai. Et on m'a dit surtout qu'il y avait Michel Hazanavicius dans une des projections et qu'il n'avait pas du tout rigolé. Il était jaloux, c'est drôle. Bah après le redoutable, tu peux pas faire pire. Ah non. C'est touchant, c'est un côté dramatique aussi, hein. C'est un côté vraiment tragique, puisque tu vois que malgré toute la bonne volonté et tout l'argent du monde, le talent ne s'achète pas. Exactement. C'est ça. Par contre, le succès, c'est parce que je suis désolé pour un nanar, comme vous dites, il a marché. Ouais. Il y a plein de films géniaux qui aimeraient avoir. Ils le disent à la fin. Je suis un top nanar. Puisqu'il a mis comme argent, il n'a pas récupéré beaucoup. Je dirais même qu'il a presque récupéré. Non, mais je veux dire, je pense que comme le mec, il s'en fiche de récupérer. C'est le succès qui est autour. Jusqu'à la fin. Au début, il a payé pour qu'il soit plus longtemps en salle, son film. Oui. Mais là, il est largement maintenant, mais je dis au début. Oui, mais même si il est remboursé, je pense que comme il est déjà riche, c'est pas, il est pas remboursé en tant que gros film trop bien. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, oui. C'est le fait que ça soit un nanar et que les gens rigolent et tout, qu'il a marché. Bah oui, mais bon, ça le fait. Ça le fait vendre. Mais c'est, encore une fois, c'est pas ce qui était escompté. Bah non, mais après, un film, quand tu l'offres au spectateur, advienne que pourra. Je pense qu'il aurait pas aimé si on avait juste kiffé son court-métrage parce qu'on a juste rigolé. J'ai pas rigolé, moi. Bon, c'est un exemple. Prenez un rendez-vous, prenez un petit café, puis vous en discutez. Mais non, mais on s'embrouille pas. Mais non, je plaisante. Donc, au final, lui, en fait, il est en train de te dire que c'est ça reste de la merde. C'est ce qu'il est en train de te dire. Moi, non, je te fais le résumé, mais. Non, non, mais j'ai compris. Voilà, c'est ça que je veux te dire. Un nana. Tu aimes. Mais la projection, c'était génial. C'est la première fois. Enfin, non. C'est vrai, c'est la première fois. Non, non, je dois aimer peut-être Navé. Mais je suis pas nanard du tout à la base. C'est pour ça Moi, je précise, un nanard pour moi n'est pas un film de merde. Mais en plus, c'est très étrange parce que tu dis que c'est assumé, mais c'est pas vraiment assumé. Parce que dans le film, on montre que ce n'est pas vraiment assumé au départ, mais après, pour que ça. C'est assumé après. Pour enchaîner, pour dire oui, bien sûr, j'ai fait exprès. Donc, il a pas marché en tant que ce qu'il voulait. Mais après, ça a marché, oui, mais. On est d'accord. Pas de fait escompté. On arrête avec The Disaster Artist, réalisé par James Franco. On passe juste par rapport à 3 choses. Premièrement, pour le film de la semaine prochaine. Tu es avec nous, normalement, Sola, la semaine prochaine. C'est ça, normalement. On est là avec l'équipe. Ça y est, abonné, il vient ici. Ça y est, chroniqueur bientôt. Il n'y a aucun souci. En plus, tu peux venir quand tu veux, hein, quand t'en as envie. Ah, c'est cool. Tomb Raider, ça sera le film de l'Est. Moi ça me va. Parce que je sens qu'on va s'engueuler sur ce film, ça va être magnifique. Le blockbuster avec un gros B. Hein. B comme. Blockbuster. Ouais. Moi je commence déjà à avoir envie de tuer comme des gens. Bof. Ou bof, je sais pas. Deux petites infos aussi que je voulais juste dire. Suicide Squad 2, tournage en octobre. Bon, ça c'est. Quoi, je sais pas si c'est une très bonne nouvelle. Non. Et deuxièmement aussi, je voulais vous parler d'un truc, mais je trouvais ça un peu assez rigolo. C'est les affiches d'un film qui s'appelle Star Wars. Star Wars Story. Par rapport à Han Solo, et il y a eu un petit problème d'affichage, si on peut dire ça comme ça, parce qu'on a remarqué que, tiens, ils ont un peu copié sur les Français. Et en fait, c'était par rapport à Sony Music, en fait, je vous explique, c'est par rapport à tout ce qui est Black Music. Ils avaient fait un truc spécifique avec des pochettes, avec un style particulier, et on a remarqué que quand on compare l'affiche de Han Solo et l'affiche de Sony Music, et ben c'est exactement la même chose. Et le problème, c'est qu'ils n'ont pas payé les droits. Mais Sony Music et quand même sont super sympas, ils ont dit, on va pas porter plainte, mais quand même, on aimerait quand même une petite rectification, non, mais au moins qu'ils disent quoi. Et donc voilà, est-ce que ça vous provoque quoi entre guillemets quand il y a une affiche qui est copiée par rapport à autre chose en fait, qui n'est pas assumée. Est-ce que c'est attention à Harry Potter quand même. Merci Vincent. Sans de problème. Pourquoi c'est son Estelle, elle se prononce pas. Hein. Ouais, elle est concernée. Ils sont jaloux. Moi, j'ai vu les affiches sur le truc. C'est la même chose. J'ai un point de vue particulier sur ça. Je dis que souvent, quand on crée, là récemment, on l'a vu en musique aussi. Quand tu crées une musique, des fois, tu te rends pas compte. Tu sais de. Ouais, c'est peut-être inconsciemment. Sauf que là, il y a même pas à se poser la question. Je veux dire, c'est exactement la même chose. Le pire, c'est le fond. Oui, c'est ça. Parce que même les couleurs, l'effet, pourquoi pas. Mais le fond, c'est le même blanc. Il y a un blanc cassé un presque petit peu. Presque la typo aussi même. Mais c'est la même chose. C'est genre. Non, mais ça, t'as influencé. T'as copié-collé. Après, ce film, de toute façon. Là, c'est pas influencé. Influencé. Il y a un petit clin d'œil, c'est pas un plus, c'est pas un clin d'œil. Copier-coller. Là, c'est les deux yeux qui king quoi. Ils doivent payer. Ils vont payer. Bah, surtout qu'ils ont assez de moyens quand même pour créer. Vous prenez pour tous les deux. Ils doivent payer. C'est Walt Disney, c'est les puissants. C'est eux qui vont t'acheter, tu vois. Ils ont tellement d'argent qu'ils. C'est la mafia. S'ils veulent, ils t'achètent demain. C'est la mafia. Ah, moi, je vous conseille pas d'aller à Disneyland parce que vous allez avoir des problèmes. J'aime bien Disneyland. Bah oui. Estelle, tu veux dire que je sais plus. Merci beaucoup. Oui, que j'ai pas eu les droits. J'ai retrouvé. Non, mais ils ont assez d'argent pour créer des affiches originales, que ce soit des fans qui fassent des copier-coller ou que. Parce que bon, mais bon, là, ils ont assez de moyens, assez de staff, assez de. Je sais pas. Et puis on enchaîne avec Han Solo. Est-ce que ça vous intéresse ce film ou pas? Parce qu'on en parle et puis il y a que des. J'ai très peur, mais j'ai l'air à moins que clairement c'était pas. Justement fait exprès pour faire parler du film. Oui. C'est possible. Déjà, eux-mêmes. La stratégie marketing. Eux-mêmes n'y croient pas en leur film. Non mais faites attention parce que les gens sont souvent curieux. Parce que je pense que les gens vont aller voir le film, donc déjà ça va bien marcher. Mais je pense que quand ils ont fait le film, ils n'étaient pas sereins, enfin ils n'étaient pas sûrs non plus. Mais regarde The Walking Dead, ils ont sorti la saison 1, à la base ils ne pensaient pas du tout en faire une deuxième, et etc. Donc. Plus il y avait quoi, 3 épisodes au départ, non 6 épisodes, je sais pas. Mais je ne dis pas plein de séries, même si Stranger Things au début n'étaient pas sûrs de faire une suite, et quand ça marche, bah. Je pense qu'ils préfèrent dire on n'est pas serein plutôt que yeah, ça va marcher. C'est ce qu'ils ont fait avec les autres, donc ils se sont un peu fait taper dessus, donc peut-être c'est pour ça qu'ils changent aussi. Oui, Solal. Quand j'ai écrit le début d'Harry Potter, bah je pensais pas que c'était. Tu devrais envoyer un mail à J.K. Rowling. Oh, si elle est en panne dans ce pied, elle a rien sorti plus longtemps, essaye. On va se quitter avec ça, parce que ça, pour moi, c'est magnifique. Et puis, on se dit à la semaine prochaine. Merci, les amis. Merci, à la semaine prochaine. N'oubliez pas Tomb Raider, Ice of Vikander. J'ai pas oublié. Voilà. Bonne soirée. Et il faut aller voir Eva aussi, de Bono Jaco. Ah oui, monsieur, allez voir ce film-là. Oui. Il est bien. Monsieur a deux mots à dire, parce qu'en fait, il n'y a personne après nous, donc tu peux nous faire un peu encore 5 minutes. J'ai vraiment très envie de le voir, donc vas-y. Bah, moi aussi, je vais le voir. Donc. Gaspard Ruel, Isabelle Le Père. Oui, voilà, donc déjà, l'affiche fait rêver. Moi j'ai beaucoup aimé. Il y a un petit côté Elle de Paul Verhoeven pour lequel elle avait eu le prix. Et donc vraiment, je vous encourage à aller voir ce film parce que c'est il y a une tension, c'est comme un thriller. C'est voilà, ça vaut le détour. Et puis Benoît Jacquot, c'est bien de le soutenir aussi parce que il a eu des débuts difficiles. Et maintenant ça va beaucoup mieux. Enfin, il avait fait aussi Les Adieux à la Reine, qui a bien marché. C'est un réalisateur vraiment très intéressant. Et c'est tiré d'un livre aussi. Oui, c'est tiré d'un bouquin. Et il y a eu une première adaptation au cinéma avec Jeanne Moreau dans le rôle d'Isabelle Huppert. Ah oui, d'accord. Ouais. Bah, merci beaucoup pour ce conseil. Est-ce que quelqu'un d'autre a vu quelqu'un, un autre film, je veux dire, et qui veut en parler? Allez voir Call Me By Your Name. Ah oui, mais on en a parlé la semaine dernière. Allez-y, ils ont fait la meilleure pub. Mais il faut le redire encore. Mais là, c'était unanime, tout le monde a aimé. Je suis seul à pas l'avoir vu. Non, t'as pas vu toi aussi? Non, je l'ai pas vu encore. Ah, on est deux, merci. Mais alors, j'avoue que tu as toujours pas vu. Tous les garçons doivent y aller. Oui. Voilà, c'est une expérience. Voilà, c'est voilà. Il faut que le les garçons, les filles. Non, pour les deux aussi, mais je trouve que il y a, c'est presque. Je trouve qu'il y a un côté presque éducation sexuelle. Voilà. Voilà, je vais trop loin peut-être, mais, oui, mais voilà, dans l'idée. Mais d'un point de vue général, quoi. Mmh. Ouais. Puis pour une fois qu'il y a un film pour les hommes. Oh là là. Bien sûr, c'est ironique. Et ben, je vous dis à la semaine prochaine. Et ben, gros bisous, merci d'être venu. Ciao, ciao, ciao. Merci. Bye. Bye. Ciao. Mais c'est temps celui-là. Rien pour les micros pour me faire sur. Non mais en fait, il faut rien faire. Ouais. Il y a une perturbe. Je préfère celui d'Elvis, tu vois. Mais c'est normal. Non.